rap. À partir de maintenant, radio validée par Skyrock. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Gradure. On est là. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Gradure. Okay. C'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, c'est parti pour le Planet Rap avec Monsieur Gradure. Ouais Fred, ça va quoi? Bien. Au calme. Est-ce que les Chegués sont là aussi? Ouais, les Chegués sont là ou pas? Ouais. En léger, toujours. Petite forme pour les Chegués pour l'instant, mais ce n'est que le début. Hein. C'est que le début. Moi, j'apprends à me méfier de vous, hein, parce que hier, t'arrives en petite forme, on a fini en sautillant partout dans le studio. T'as vu? Bon, bah, c'est reparti pour une nouvelle soirée avec Gradure. Juste avant d'attaquer et parler évidemment de l'homme au Bob qui arrive dans 6 jours, voici tout de suite le replay d'hier soir, ce qui s'est passé dans l'émission. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Il s'appelle l'homme au Bob, il était attendu depuis quelques mois déjà. T'étais venu dans un Planet Rap l'automne dernier. Ouais, c'était lourd. On avait parlé de tout le phénomène, tout ce qui se passait autour de toi. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu encore des choses différentes sur ces derniers mois? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as vu? Je sais que t'as pas mal voyagé aussi. Ouais, j'étais à Chicago. Évidemment aux États-Unis. J'étais à Chicago. L'Asie. J'étais à Atlanta. J'étais en Thaïlande. Au Mali aussi. Donc ça va. On a bien bougé. Rencontré du monde. Ouais. Reçu des vibes différentes et donc là t'as juste une envie que maintenant ils sortent. Ouais, que ça sorte, comme ça je suis soulagé. Je te promets sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'ai quitté foncé sous Jack avec une grosse feuille d'armée. J'ai dépassé tous mes ennemis, ils me reverront jamais. Jamais. C'est Planet Rap sur Skyrock. Des morceaux qui sont sur cet album, est-ce que t'es fier? Voilà, est-ce qu'il y a une fierté aussi avec tous les morceaux qui sont présents dessus? Il y en a 17 hein, dessus, 17 titres. Ouais, je suis content. Hein, je suis content. J'ai l'impression que t'es jamais satisfait en fait. C'est vrai. Ouais. c'est vrai. Moi je suis déjà sur la mixtape là. Déjà. Je me dis ouais, il faut que la mixtape elle soit meilleure encore que l'album. Plain rap. Tout le monde. C'est le feu. Dealer c'est le Chegué Squad. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dealer c'est le Chegué Squad. Je vais faire malade, tu t'es retrouvé dans le trou. Dealer c'est le Chegué Squad. Chegué Squad. Dealer c'est le Chegué Squad. Chegué Squad. Dealer c'est le Chegué Squad. Planet Rap. Est-ce que t'as vu tous les morceaux de toi qui ont été repris? Toutes les différentes reprises qui existent de Gradure? Non, j'ai pas vu. T'as jamais écouté? J'ai pas tout vu. Tiens, t'as fait une petite sélection, écoute ça. D'accord. Planet Rap. Au régiment, j'avais mon pharmacie Lily. Et au Tchekar, j'avais mon 762. On n'est pas tout seul, je suis venu avec mon galop, c'est du 93 X-Tong. Tire des balles sur des cibles, lâche ma haine sur un beat. Moi j'envoie comme un beat, et ta gomme tisse la bite. Dans ce secteur j'habite, si je continue, pas de scam de mort, grand beat. Planet Rap. Voilà une petite sélection de tout ce qu'on peut trouver sur toi. Ouais, c'était pas mal. C'était hier soir. Planet Rap. En direct sur Skyrock. CD ou ça, chez sa vie, serre la peur. CD ou ça, chez sa vie, serre la peur. J'suis tout de la peur. En CD ou ça, chez sa vie, serre la peur. En CD ou ça, chez sa vie, serre la peur, frère. Sa vie, serre la peur, frère. Si je donne la force à tous ces négros, dis-moi si Dieu me le rendra. On sait de où ça chez sa vie, c'est la peur. C'est de où ça chez sa vie, c'est la peur. J'suis tout de la peur. On sait de où ça chez sa vie, c'est la peur. L'émission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Le Planet Rap avec Gradure et le morceau en live avec lequel on a fini. Il y a déjà les images qui sont dispo. Hein. Ouais, j'ai vu ça, c'est lourd. Je dis ça, ça arrivait aussi bien sur le Skyrock FM que le clip que t'as balancé hier soir à 21h. Vers 21h30, 22h. Ouais. Puisque le mec avec nous n'arrête jamais. Ouais. Jamais. T'en as fait un morceau, mais jamais. C'est la musique, on aime trop ça, c'est un travail. Hier soir, d'ailleurs, en suivant, c'est vrai qu'on se marre bien en suivant l'Instagram de Gradure. Hier soir, j'ai vu des vidéos avec des amis, vous étiez en studio. Ouais, on était en studio. Ouais, avec Drossan et Cliffa. Et qui ont lâché quelques 16 quelques impros. Des 8,5. Ah Il est chaud. Donc, hier soir, après le Planet Rap Studio direct. Voilà. C'est ça. Bon, faut travailler, Fredo. Faut travailler. Ça n'arrête jamais. Là, le boulot est fait puisque lundi sort le 23 février. L'homme au Bob, on découvre cette semaine. Ce soir, qu'est-ce qui va se passer, Gradure, dans l'émission? Ouais, je vais balancer. Je vais envoyer le son. Déjà, le freestyle que j'ai fait hier. Mm-hmm. Le son, le premier extrait de la mixtape chez Guevara. On va parler. Ça s'appelle La Puff. Hein. Ouais, voilà, La Puff. Il y a déjà pratiquement 200 000 vues en même pas un jour. Mm-hmm. C'est lourd. Et on va envoyer des extraits, on va envoyer Jamais, on va envoyer Terrassé. Et un petit extrait de l'album aussi. Un petit peu de live ce soir aussi de prévu ? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ouais, demain. On sait jamais en même temps. Hein. Voilà. Je mets des mecs qui sont chauds. Hein. Je vais mettre une petite inédite, un son de l'album. Très bien, mais là on débute avec Jamais. C'est Gradure, notre invité sur Skyrock. PD qui parle sur moi, négro, rien que je m'en bats les couilles. Si tu veux tirer, tire mon gilet sans pas trop les coups. Je veux ramasser les billets, je veux plus ramasser les douilles. Mon Dieu, donne-moi une fille bien marre de doguine et des douilles. La gloire m'a frappé sec depuis toutes ces salopes, elles mouillent. Et quand le buzz y tombe à l'eau, mais dis-moi est-ce qu'il rouille. Un pote c'est comme un frère rebeu, donc fais gaffe à sa souille. Tu l'as baisé, t'as fini buté à poil par son rouille. Chez Gay, faut respecter la loi, surtout la loi de la rue. Sinon tu vas te faire buter dans un trotteur sur ma rue. Ou dans une Subaru, à la Tupac Camaro. Car ma ligne de conduite, j'ai vite sky et accident de la route. Claque pas des cueils en boîte pour des salopes, ça c'est de la frime hein. Charbonner pour payer une ville à maman en Afrique. Faire des concerts aux Aïres, voir les jaloux nous haïr. Prier Dieu qui m'épargne des faux amis qui veulent me trahir. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, ils me reverront jamais. Jamais, jamais. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, ils me reverront jamais. Jamais, jamais, jamais. J'bois la vie au goulot, continue mon boulot. J'arrêterai une fois que je serai joué par Pascal et Bruno. C'est pas le rap qui m'a fait manger, donc je suis allé taper. C'est pas les potes qui m'ont fait gonfler, c'est le pont d'où elle m'a fait. Un bleu rebelle comme Yann M. Villa demande même à pas faire. Voir mon public qui fait en concert, ouais mon ego ça le fait. Les voir chanter à chaque scène, pas trop me soucier de la sacelle. Et tous ces faux amis qui viennent remplis de leurs idées malsaines. Je me vois tout négro, sachez que le buzz est complet. Je me dis qu'il peut partir à tout moment comme l'a fait mon ex. Alors je m'efforce de taper comme un soldat à la caserne. Je veux pas que les flics me ramènent. Ni même qui me malmène. Toujours jugé par défaut à cause ma couleur est belle. Subir la discrimination en ce France ça me fait de la peine. Ouais je t'avoue que ça me fait de la peine. Alors j'ai de me barrer. Je veux prendre mes sous dans le rap et me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'armée. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Grosse dédicace aux frères de Schweitzer, Youssef, Malik, Mirou, Kiki, Mamad, Baila, Tounes, Tietje, Chipo, Youssef, Malik, les frères Ohef, Skader, Bilal Guérab, Abdé 227, Jordi ZZ, Val de Reuil, Zach, Naïm M, Richou, Selim, Boutarfa, Aziz Boutarfa, Najim, Salah, Pif, tous les mecs de Schweitzer, Nouveau Roubaix, c'est pareil, Adem, ouais. Rafik, tout le monde, Nassim, Hamid Ohef, Bilal, tout le monde, on vous oublie pas, les Hamid Ohef, ça bouge pas, Cliffa, Gislain, le Magar, on est ensemble, voilà, grosse force à vous, on est ensemble, Richou. C'est Gradure avec nous toute la semaine et ce morceau qui s'appelle Jamais. Comment il est né d'ailleurs celui-ci, Gradure, ce morceau? C'est un morceau que t'avais écrit avant ou t'étais en cabine? En fait, j'avais écrit que le premier couplet, je l'avais écrit à l'armée un peu. Je l'avais écrit à l'armée et quand j'ai été à Chicago, quand j'ai enregistré plein de sons, j'avais des petites parties de sons. Mais après le deuxième, c'est venu comme ça. C'est-à-dire que j'avais une partie de deuxième couplet. Parce que tu chantes aussi, tu chantonnes en tout cas dessus. Ça change. C'est un nouvel exercice, ouais, d'ailleurs. C'était un nouvel exercice. Il y a eu plein de messages en disant ah, tiens, Gradure est en train de changer, il chantonne. Ouais, mais il faut essayer de tout faire. Essayer d'être complet dans la musique. Sinon, tu dures pas. C'est ce qu'il y a d'ailleurs sur l'album. Hein. Il y a différentes choses aussi. Voilà. L'album qui sort dans 6 jours. Concernant un petit point sur l'armée, c'est fini là. Ouais, l'armée là, c'est fini. Rideau. Ouais, c'est fini. Tu faut juste que j'aille récupérer mes affaires, c'est tout. Ah, t'as pas tout récupéré encore? Non, j'ai pas tout récupéré. Bon, très bien. Et bon, salut, écoute, le régiment qui t'a accueilli pendant quelques... Ouais, 40e régiment d'artillerie. On est ensemble. Bon, pas de regret. Moi, mes affaires, c'est tout. Bah, c'est vrai, c'est que tu nous expliquais, l'armée à une époque, c'était important pour toi, histoire de cadrer un petit peu, parce qu'il y avait plein de choses. Et ouais, c'était bien. Dans ta vie. J'étais loin du monde civil. Je faisais de l'argent en plus à côté là-bas, ah en bon plus de mon salaire. Donc, ce que tu dis dans tes morceaux, que ouais, les gens venaient frapper à la porte parfois. Ouais, c'est la vérité. C'est la vérité. Eh ben écoute, on salue en tout cas cette caserne, où il s'éclate bien. Peut-être peut-être un petit peu moins bien depuis que t'es parti d'ailleurs. Non, les soldats à moi, mes potos, ils sont contents frérot. Ils sont contents. Après c'est peut-être les gradés, c'est tout. On s'en bat les couilles ça. Là-bas, c'est fini on maintenant. On s'en bat les couilles. Gradure est dans le rap. Ouais. Laisser l'armée de côté avec Drake, l'album. Drake bien se faire enculer. Ah. Petit message. Si tu m'écoutes. Petit message pour certains, a priori. Ouais. Gradure et les messages 41759 avec le hashtag Gradure sur Skyrock. Sur du Gradure, je fais aussi avec le hashtag sur du Gradure, je fais. Qu'est-ce que vous faites? Dites-le nous, 41759. Dans un instant, on va faire un petit quiz Gradure. On va prendre deux auditeurs de Skyrock, Gradure. Vas-y, parfait, Fred. J'ai sorti quelques phrases de tes morceaux. On verra qui sera le plus fort dans quelques minutes. Vas-y, je t'écoute. Mais juste avant, on va retrouver peut-être un morceau. Qu'est-ce qu'on met? On balance quel bon, titre? On va balancer le son que j'ai fait hier. La Puff. Le son que j'ai fait hier, La Puff, ouais. Mm. Pour rappeler ce qui s'est passé un peu hier. Et ben on balance le morceau, ça. Ouais, c'est dur, dur. Gradure, dur, dur, rec. Vas-y, c'est parti. Grosse dédicace à mon 5-9. Ça bouge pas. Même si on n'est pas toujours là, on est là. Les frères. Mamoudou. Mamoudou. On est ensemble, le mot Bob, il arrive. Force à vous, mes chéguets. Je garderai jamais en loto, donc. Je crois que je vais charger l'auto, je créerai peut-être une balle dans le dos d'un drive-by en moto. Jordi, j'ai en sachet, on vise à la peuvre. Si j'arrose le beat, une grosse tuerie peuvre. Tu voulais la vie tracé comme le bar. Je rentre dans la cabine et le bob tiers me parle. Il me dit trapaler le rap français le 23 février. D'une balle lui faire un truc de dingue. La chatte à ma trocora, moi je viens pas de sortir d'un casting. Faut que la pop ait tout ce milieu de baltringue. Avec ou sans promo, rap rempli de promo. Comme ta gueule, tu m'as dit, j'y vais homo. Tu veux la guerre ou la paix? Assieds-toi sur ton canal à la paix. Charge la calache, on va te fumer. Je connais pas le calumet de la paix. Trouve ton corps dans un lac, on va te repêcher à la corde dans la pêche. Mais des gens vont compter sur toi. Mais est-ce que je peux compter sur eux? J'ai appelé ma daronne quand je me suis fait péter à la douane avec 400 grammes de beurre. Ils m'ont demandé plus de 2500. Ouais, dis-moi qui allait me les donner. J'ai perdu ma beurre, j'ai perdu mon seuil. J'ai même failli me faire virer de l'armée. Même si j'ai donné la force à tous ces rappeurs. Qui me le rendra si je t'avance la beuh, si je t'avance du shit? Tu vas se moquer ou tu le vendras? CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. J'suis tout de la beuh, j'suis tout de la beuh. En CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. En CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. Sa vie sur la peuh. Si je donne la force à tous ces négros, dis-moi si Dieu me le rendra. En CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. J'suis tout de la beuh. J'suis tout de la beuh, en CD ou stage, j'ai sa vie sur la peuh. En CD ou stage, j'ai sa vie sur la peuh. Wow, sa vie sur la peuh. Si je donne la force à tous ces négros, dis-moi si Dieu me le rendra. Faut que je trouve une groupie qu'elle devienne accro à ma beuh. Je me sers de mon buzz pour la faire tapiner. Faut qu'elle me ramène un peu de beuh. Faire pousser des plantations dans ta chasse. Je trouve ton poincher, ça fait ratatata. Tu viscères la drogue dans l'enceinte militaire. L'argent de la drogue, le nerf de la guerre. Le Cheg est sur Congo, les Sonic et calibré brolique. Tous en chien de bif et de tasse, pas de frolique. Dique ta mère si tu clashes pas le temps polémique. Polémique. On arrive en boule en équipe sur planète. Top rap musique, négro, wesh, tiens les manettes. L'élève a dépassé le maître et le maître veut lui-même. Mais le négro est armé d'un 9 mm. Dis-moi qui allait me les donner. J'ai perdu ma beuh, j'ai perdu mon zeil. J'ai même Zach, chouette zer, on est ensemble mon petit frérot. Donne la force à tous ces rappeurs. Steven en léger. Tu me le rendras si je t'avance la beuh, si je t'avance du shit. Tu vas le smoke ou tu le vendras. En CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. J'suis tout de la beuh, j'suis tout de la beuh. En CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. En CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. Sa vie sur la peuh. Si je donne la force à tous ces négros, dis-moi si Dieu me le rendra. En CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. J'suis tout de la beuh. Baltaz, on est ensemble. En CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. En CD ou ça, j'ai sa vie sur la peuh. Tous les frères de Chouette Zer, Nouveau Roubaix, Hamid, Biggie, si on est ensemble. La force à tous ces négros, dis-moi si Dieu me le rendra. Lutfi, c'était une petite inédite. C'est pas dans l'album, chez eux. C'est cadeau, ça. Près de Sky, on est ensemble. Chez Guess Squad, le 3 février. Soyez prêts. Chez Guess. Grosse dédicace à tous les frères enfermés qui sont connectés avec leur baf. On est ensemble. Grosse force à vous, mes chez Guess. On est ensemble. Calage. Ouais, force, Douma Kalash. C'est Gradure et ce Douma. Inédit. qui a été balancé, qui s'appelle La Peuf pour Peufrin, hein, je suppose. Voilà, La Peuf. Voilà, un nouveau truc dans le lexique. Un nouveau mot dans le lexique. La Peuf, ça existait déjà, mais on va essayer de le mettre encore à la page. La Peuf, à l'instant. En CD ou sachet. Et ça, par contre, c'est un titre inédit. C'est-à-dire qu'on ne sera pas sur le Mobob. Mais déjà, toi, tu prépares déjà le futur. Voilà. Pour la mixtape. C'était cadeau aussi pour toi aussi. Eh ben super cadeau celui-ci, La Peuf qu'on écoute à l'instant dans le Planète Rap de Gradure. Est-ce qu'on peut accueillir tout de suite Samantha de Cramayel? Est-ce qu'elle est avec nous, Samantha? Par téléphone. Allô, Samantha? Oui, c'est moi. Ça va bien, Samantha? T'habites dans 7-7. Je te présente Gradure. Ouais, Samantha, ça va ou quoi? Ouais, bah ça va et toi? En léger. Il paraît que tu connais toute Gradure. Ah ouais? Presque, on va dire. Presque. Eh ben écoute, ton adversaire s'appelle Bilal. Il vient de l'homme dans le 5-9. Ok. Ouais. Alors Bilal. Ouais. Toi tu joues tu joues pratiquement à domicile, Bilal, hein. T'as intérêt d'être très fort. Ouais. Ça va en pleine forme? Ça va tranquille. Il paraît même que tu seras à la séance de dédicace. C'est lundi à Lille, hein, la séance de dédicace. Ouais, c'est lundi, c'est devant Foot Corner. Devant Foot Corner. Donc tous ceux qui auront acheté l'album à la FNAC, ils auront leur petit t-shirt au calme, au KLM, des t-shirts ou des bobs. Tu croiseras Bilal qui passe à l'antenne. Voilà, bah, grosse force à toi, Bilal, c'est le 5-9, ça bouge pas. Et essaye de faire monter le 5-9. Et les deux vont s'affronter maintenant. C'est-à-dire que, alors, le principe est simple. Moi, je balance, comme je peux, hein, j'ai envie de te dire. Comme je peux, je balance des parties de morceaux que tu as fait. Celui qui est plus rapide, le plus rapide repart avec quoi? Cadeau, Gradure, album? Album de Gradure. Est-ce que vous êtes prêts, Samantha et Bilal? Oui. Alors c'est attention, bon. C'est parti. Mon papa veut du bif, maman veut des petits enfants. Terrassé. Ah, c'est terrassé. Ouais, c'est terrassé, c'est Bilal. Un point pour Bilal. En léger. Il dégaine. Ah, il est 5-9, hein. Ouais. Bilal, terrassé, qui figure d'ailleurs sur l'album de Gradure. On va jouer juste après. Hein. Un point pour Bilal. Attention, on est reparti. Celui-ci, faut bien connaître. Je suis un soldat, pas un rappeur. Chez Gay, nous on est là pour faire du sgar. On n'est pas là pour faire du sgar. Je suis un soldat, pas un rappeur. Chez Gay, nous on n'est pas là pour faire du sgar. Ah, c'est chaud. Alors petit indice, c'est un featuring qui est arrivé il y a quelques semaines de cela où on retrouve Dossé et Joke. Coute pas trop. Ouais. Voilà, Coute pas trop. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Il a fort, hein. Grosse force à Dossé qui prépare son album. Ouais, c'est pour le 16 mars. Le 16 mars. Allez, 2 points. Samantha, ressaisis-toi. Ouais, on va essayer. Là, tu vas voir, je suis sûr que c'est pour toi. Allez, c'est parti. Je bois la vie au goulot, continue mon boulot. Jamais. Ah ben ça, c'est jamais, oui. Il est chaud, Bilal. Ah, il est chaud. Hein. Il est chaud, Bilal. Je bois la vie au goulot, continue mon boulot. Pour que je serai joué par Pascal et Bounot. Voilà, c'est jamais. C'est sur l'album qui sort le 23. Allez, on continue à jouer. Samantha, Bilal. Samantha, concentre-toi. Mm-hmm. Quand je monte en scène, rebeu, c'est la rue qui me baquait. C'est sur un Chez Gay, je vous aide, allez hop. Traction. Quel numéro? Ouais, c'est celui-ci, hein. C'est celui-ci. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est 10, ouais. Allez. Écoutons, je monte en scène, rebeu, c'est la rue qui me baquait. Fais attention, autour de moi, y'a plein de gens. Sur du Gradure, fais des pompes. Sofiane Boifia, on est ensemble, gros. Karim. Bon, Samantha, allez, on joue pour l'honneur, Samantha, parce que Bilal, là, pour l'instant, fait un sans faute. Attention, ouais. celui-ci, je suis sûr que tu peux y arriver. Écoute bien. De la trap musique négro, wesh, tiens les manettes. L'élève a dépassé le maître et le maître veut lui mettre. Mais le négro est armé d'un 9 mm. on vient de le passer. Ça monte. La Peuf. Oh, pff. C'est un vrai Chez Gay, Bilal. Grosse force à toi. L'élève a dépassé le maître et le maître veut lui mettre. Mais le négro est armé d'un 9 mm. En début de 2500. Ah là, la Peuf qu'on écoute à l'instant, quand même, bravo à toi, Samantha, hein, merci. Ouais, merci. Ouais, c'est bien de supporter, en tout cas. Et Bilal, il peut dire bravo, ça. Bilal, grosse force à toi. C'est un sans faute, tu mérites largement l'album L'Homme au Bob, mais à mon avis, tu vas en acheter un aussi, puisque lundi, tu débarques du côté de Lille au Foot Corner pour retrouver Gradure. Tu seras où, devant, devant le Foot Corner ou à l'intérieur dans le Foot Corner? Je serai à l'intérieur, en fait. Tous ceux qui auront acheté l'album, eh ben, ils pourront entrer dans le magasin et avoir leur t-shirt au KLM. C'est pour toi, Bilal. Petit message, voilà. Samantha, petite dédicace à passer, petite question à poser à Gradure, profites-en. Hein. franchement, j'ai pas question à part que j'écoute. D'habitude, j'écoute pas de rap français, mais c'est vrai que quand j'avais entendu Segedi, c'est jamais, j'avais vraiment validé. Ça fait donc, plaisir. Franchement, Gradure, tu gères, je te le dis, tu gères. C'est bien, et je crois que t'es un des seuls rappeurs français que j'écoute vraiment, et le reste, gros fuck, j'ai envie de dire. Franchement. Il faut pas dire ça, après, chacun ses goûts, chacun fait son truc, et voilà. C'est ça, bien, ouais. C'est bien en tout cas. En tout cas, merci du soutien. Si Gradure te parle. De rien. Et enfin, un bisou, Samantha, à Bilal. Pas de question, à part que ça suit plus sur le terrain. Il connaît. Merci à toi en tout cas d'avoir été là avec nous. Bilal, bonjour là-bas. Vas-y. Alors, dédicace à Anthony, Théo, Jérémy, Racheton et à tous ceux qui m'ont reconnu. Super, merci à toi. Vas-y, 5-9. Passe une bonne soirée et rencard dans le 5-9 lundi pour la sortie de l'album. Aziz Boutarfon, léger. On met le coup du patron. Non, tu voulais qu'on mette quel titre après la pub? Non, c'était lequel? Terrassé. Terrassé? Ouais. Un petit coup de terrassé? Ouais, après, si tu veux mettre le coup du patron, pas de problème. Ouais. Après, je vais mettre aussi un petit inédit, juste après. C'est lequel d'inédit que tu mets? Je vais mettre Bloody Murder. Extrait de l'album? Ah, préparez-vous, un extrait de l'album L'Homme au Bob qui arrive dans 6 jours maintenant. Et pour écouter cet inédit, bougez pas, c'est sur Skyrock après ça. Ladies and gentlemen, Gradure validé par Skyrock. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Il y a du monde derrière ou pas? Avec Gradure sur Skyrock. Et oui, il y a du monde derrière. Il y a du monde ou pas? Ouais. Ça marche tout de suite mieux quand tu le fais, Gradure. C'est le squad. Gradure avec nous, L'Homme au Bob arrive dans 6 jours. Ça y est, voilà. La sortie tant attendue. Enfin. Il va être lâché pour les oreilles, pour tout le monde. Voilà. On a travaillé pendant un an et demi, on a travaillé dur. On a envoyé des freestyles chez Gay, on a envoyé une mixtape gratuite. Et là, enfin, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement. Surtout que oui, ça fait un moment que tu rappes aussi. Ouais, ça fait... Même si là, t'as été très actif ces dernières années, particulièrement. Voilà, il y a toujours un moment, ce moment de doute. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que les auditeurs seront là, réceptifs? Et a priori, c'est oui. Le plus important, c'est faire kiffer les auditeurs. Mes Chegué. Et dans un instant, les Chegué vont être contents. Il y a un titre inédit qu'on va découvrir dans quelques minutes. C'est extrait de l'album L'Homme au Bob. Et là, juste avant, on se balance Terrassé. Vas-y, parfait. Allez, c'est parti, Gradure. Terrassé. Grosse dédicace, frère de Schweitzer, Mamoudou, Mamad, Hiro. Dédicace Omar, Shadi, Sada, Shadi, Wizzy, Felom, Brandon, Steven, la famille. Willow. Ouais, Willow, Najim. Allez, à la prison, Val de Reuil, qui foutent la merde. J'envoie des messages. Grosse force à vous, mes Chegué. 5-9. Lionel. En léger. Chegué. Mon papa veut du vivre. Maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed. Et cette salope veut son sac long. Change, répète. Mon papa veut du vivre. Mama Gaïa, Drancy et Gucci, OD1, force à toi. Et cette salope veut son sac longchamp. Je vais tous les terrasser. Je vais tous les terrasser. Prends Sunshine, on lance roquette. Je les attaque au LRAC. C'est toujours les mêmes merdes à la radio. Négro, j'en ai Amon. Je crois que c'est l'heure de nickel rap game. Ouais, ma trappe va les dépasser. Trop de bâtards n'ont pas cru en moi. Mais la mixte va leur donner tort. Génération 90, 23 piges, que tu le veuilles ou non. Gros, c'est moi le plus fort. Je sais que je suis pas une resta, donc arrêtez de m'aduler. Faut m'en charger. Les mains du l'air, je vous baisse tous. Je vous dois rien. Y'a que maman qui m'a Najim et Judy. Je les entends tous dire que je suis qu'un effet de mode. Je m'en bats les couilles, je vais voir une chouin. J'hésite entre la Manix et la Drax. J'ai un code. J'ai gay illimité. Je baisse des prods à gogo. Casse la démarche dans le hood. Fais le malin au Kosoa et Coco. Ouais, sale bâtard, négro, je suis un 2Z. 243 NASA 2Z. Je fais de la trappe. J'signe des autographes sur des putains de tarpes. Je taffe la semaine. Je reviens le week-end. J'enregistre un son et je pars dans ma grotte. La vie de ma mère, j'ai trop d'inspi. Ça sort de mon corps comme si j'avais lâché une crotte. Me casse pas les couilles, je rentre dans ta chatte. Et je crache direct. J'ai pas le temps. J'ai RDV avec Nida, putain, y'a trois salopes qui m'attendent. J'ai prévenu mes potes, enlevé mes bottes, enfilé la pote, la tête sur mon pop. Cette salope m'a dit, ouais, Gradure, je te la gomme. Ma bite s'est levée aussi vite que ma gomme. Tous ces bâtards de fouteux qui nous regardent des travers dans la boîte avec leur gros salaire. Maintenant, ils ont plus club aujourd'hui, aucun diplôme. La roue a tourné, bâtard, tu galères. L'album, le 23 février, mes Chegué. est encore au top. Force à Skyrock. Qu'est-ce que t'as cru, petit fils de pute? Moi j'ai jamais rien attendu du rap. À l'heure où je t'écris, ce sont le précipère. Pendant que je galère dans la caserne. Toc toc toc, ça frappe à la porte. Encore un soldat qui veut de la verve. Je sors ma peine, je sors de la merde. Vous êtes caca, on est ensemble. Ces bâtards me jalousent. Mathieu. Ils m'ont vu entrer, ils font ma simple écame dans les interviews. Ils m'ont pris pour une tarlouse. Bah bon, vas-y, viens, t'es là. Moi je t'attends. Non, je parle pas. J'suis gay, j'suis black, frais, talentueux, un peu comme Yacine, Elbad, le bif et la gova. Khalid Elbadawi, lit et sa gofani dans mon lit. J'veux pas qu'elle partage mon fun comme J-Max et Noah Lunzi. Moi j'veux qu'on partage une nuit. Mon papa veut d'une vie, maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed et cette salope veut son sac longchamp. J'répète, mon papa veut du bif, maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed et cette salope veut son sac longchamp. Je vais tous les terrasser, je vais tous les terrasser. France Punchline, on lance roquette. Hashtag gradure sur Skyrock, en léger, sur Twitter. C'est toujours les mêmes merdes à la radio. Négro, j'en ai assez. Je crois que c'est l'heure de niquer la vie. Boogs, ta grosse tête. À l'instant, terrassé. Terrassé en léger. Bon, est-ce que c'est toujours l'état d'esprit terrassé? Est-ce que ouais. Tu veux terrasser un peu tout le rap game, Radur? Non. Quelques noms seulement. Ouais, je vais me faire une petite place. Ah, c'est un peu de brouillard, il y a un peu de brouillard dans le studio. Ah ouais, j'ai vu ça. Brouillard du Nord, hein, qui est prenant. D'Hollande. Ah oui, donc, très honorant en fait. Très très très honorant. Très très très honorant. Gradure et terrassé, c'est extrait de l'album L'Homme au Bob qui sort dans 6 jours maintenant, toujours en précommande aussi, hein, on peut y aller. Voilà, toujours en précommande sur iTunes à 7€, le prix d'un grec. Ouais. Allez-y, c'est le moment ou jamais de vous taper un grec ou l'album de Gradure. Voilà. Au choix. 41759 pour les messages avec le hashtag Gradure sur Skyrock. On accueille Alex de Nantes. Salut Alex. Salut. Ça va bien Alex? Ouais, ça va. Bon, est-ce que tu attends cet album L'Homme au Bob? Ah oh bah ouais, je l'ai précommandé là sur la Fnac. Ouais, grosse force à toi mon chéri. Oui, il paraît qu'il y a des collecteurs aussi, Des collecteurs, ouais, il y a des packs album plus Bob. Des POC. C'est la fumée. Ça. L'Homme au Bob en POC. Voilà. C'est ça, des packs album plus Bob, ça fait POC. Voilà. Ouais, il y en a, donc, mais faut aller très vite parce que voilà, il en reste plus beaucoup, je crois. Il en reste peut-être une centaine. Ah oui, donc faut y aller très vite. Voilà. Toi, t'as précommandé quoi? Album digital, Alex? L'album. J'ai pris le pack là. Ah, t'as pris le pack. CD plus Bob. Ouais, grosse force. Eh bah, écoute, tu vas être totalement frais et chégué pour les mois qui arrivent. Il y a un concours. Okay. Aussi un concours avec tous ceux qui ont acheté l'album, la meilleure photo qui aura une PlayStation 4 à gagner avec 15 jeux PES 2015. Voilà. Bah, terrible. Une PlayStation 4 à gagner. Et quoi, on peut trouver où tous les renseignements sur Je vais mettre ça sur Instagram, Facebook d'ici demain. Donc pour avoir tous les renseignements, guettez les réseaux sociaux de Gradure. Voilà. Alex, tu es prêt à rapper? C'est l'heure du freestyle par téléphone, on y va mon pote? Ouais. On y va. L'homme au bob. En léger. 23 février. Ça fait 16 ans que je dormais, j'écris du lourd pendant mon sommeil. Il serait temps que l'M6 réveille, au lieu de se plonger dans la taille. Je suis en dehors d'hémisphère, si tu me cherches, je vais pas me laisser faire. Tout niquer, ouais, je vais le faire. M6, reprends tes affaires, une phrase et t'es à terre. Maintenant, tu peux te taire, si tu veux du flow, je t'en prête. J'écris du lourd dans ma piste secrète, pour faire du sale, j'ai la recette. Tu m'as critiqué, tu regrettes, je vais vous mettre une balle dans la tête. Ouais, M6, j'arrive en force, si tu me suis, tu vas te faire une entorse. Pas la peine de polémiquer, cette année, je vais tous les rafler. Je compte bien finir au sommet, je me présente, moi, c'est Alex. Au cas où tu me connais pas, moi je te fous une balayette, tu te retrouves à côté de moi. Gradure l'homme au bob, gradure l'homme au bob. Aïe. Le 23 février. Check it. L'homme au bob dans le bac, l'homme au bob dans les bacs. Si, le 23 février, le 23 février. Merci à toi Alex, c'est vrai que c'est le 23 Alex. Février. Grosse force à toi, on est ensemble chez Guesquoi. Et lui il aura le pack ou le POC, il aura un des deux. Voilà. Avec l'album et le bob, Alex du côté de Nantes, un chez Gué de Nantes en plus pour voilà. Toi. Ouais, j'ai passé un Nantes en plus, c'était le feu. C'est vrai, c'était bien. Ouais, il y a pas mal de showcases là ces derniers temps. Ouais. La concert prochain, c'est la semaine prochaine, hein, ça arrive. Ouais, hein. C'est là. Ça te fait rire d'avance. Ouais, faut que je me prépare. T'es pas prêt? Encore. C'est dans une semaine, hein, non? Ouais, mais tu connais. Ouais, c'est le 25 février, Bataclan. Ouais. Je crois que ça va être blindé. Et pareil, ils doivent rester quelques places. Donc, dépêchez-vous de les prendre pour voir Gradure. Mm-hmm. Première grosse scène à Paris en plus. Voilà. Et qui se prépare en ce moment. Voilà. Je comprends bien. Grosse force. Merci à toi, Alex. Petit message à passer, petite dédicace, on t'écoute. Bah, dédicace à tous mes potos qui m'écoutent. Voilà, j'ai aussi la page Facebook, Alex Officiel. Et voilà. Eh bah écoute Alex, on te laisse te reposer tranquille hein. Ouais. Ah ouais, il est reparti Alex, il a rappé, il fait une sieste maintenant. C'est voilà. Passe une bonne soirée Alex, c'est Gradure notre invité. L'album L'Homme au Bob sort le 23 février. Qu'est-ce qu'on écoute? On met l'inédit maintenant ou on attend encore un petit peu? Tu veux le mettre maintenant? Si tu veux le mettre maintenant. On attend un peu? Ah, on attend un petit peu. Ok, ouais, d'accord. Tu as raison. Donc l'inédit, rappelle-nous comment il s'appelle l'inédit. Ça s'appelle Bloody Murder. Qui a fait le son de celui-ci? Le mec, mmh. C'est Lexi Bank, un truc du genre. Ok, un truc du genre. En tout cas, il a fait ça fort. Il a fait ça fort. C'est quand j'étais reparti vite fait à l'armée, j'avais écrit le premier couplet et le deuxième couplet, je l'ai fini quand en studio. Voilà, quand je l'ai posé. Et bon, on pourra l'écouter dans un instant, juste avant, qu'est-ce qu'on met? On va mettre Remember. Remember? Voilà, un des derniers sons que j'ai sorti. L'avant-dernier. C'est parti maintenant. Gradure sur Skyrock et le morceau Remember. Grosse force à Niska. 2015, il va tout niquer bientôt. Faut suivre. Chez Guess Squad, regardez les clips de Kaïps, Brabra, Nida. C'est très très lourd. Et c'est que le début. Chez Guess Squad, 5-9, Schweitzer, Nouveau Roubaix, Tourcoing, Lille, M, Wascal, Croix, Alma. Un peu partout quoi. Force au mec du 5-9. Pourtant tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de name. Petit, téléma. Oublie pas que tu me dois des sous, allez téléma. Pourtant tu me dois des sous, do you remember? Ah oui, ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de name. Petit, téléma. Oublie pas que tu me dois des sous, allez téléma. Je te faisais confiance comme un frère, donc j'ai voulu t'avancer le bail. On devait partager la part du gâteau, mais toi t'as voulu me grailler. Ouais, t'as voulu me grailler. Juste pour de la beuh et de la maille. T'es qu'une pédale, un couteau dans le dos par un frère, ça fait mal. Je ramène une équipe pour serrer ce faux négro. Ouais, je vais serrer ce faux négro. Il m'arrête qu'à des palos. La frappe à ballon. Sors la me harre les armes. Dans la boîte à gants, j'ai caché le Beretta. On m'a dit qu'il est planqué près de Saint-Lazare. Faut que j'arrive à bouler chez lui dans le soir. Et j'y fais une dinguerie comme Lil Boozy. Deux balles dans la tête, pas le temps de poser. Rafale le bodyguard Kevin Costner. J'en fais une dinguerie comme à mes concerts. Mais chez mes négros, mes charros sont deep. Tu sais que le faux neuf, ça bouge en équipe. Au mag de mon ensemble, t'es négro de taille. Voyons tes mains, si tu payes pas cash, on te kill. Abdul Schweitzer. Tu me dois des sous, do you remember? Que je te cherche, t'as changé de name. Le Charlie Delta, 9-1, Niska, on est ensemble. Téléma. Gros gros son. Tu me dois des sous, allez, téléma. Pourtant, tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de name. Allô. Téléma. JLD, 3-15, prison freine. 9-4, les chers. Allez, téléma. Cette pute, tu me dois des sous. Dans une semaine, ta femme sera veuve. Réfléchis par la fenêtre. Chez nous, y'a pas que les balles qui pleurent. On joue à Pablo. Madrane et Marlon. Papa, allume des raclos. Pendant que bébé fait dodo. J'te nique ta mère et j'fume de l'herbe après. Ah oui. C'est vrai que ta caisse est graille, mais c'est un prêt. J'suis genre le business comme trafic intus. J'ai des chevaux sous le capot, je pèse le quintet. J't'ai niqué ta mère, toi t'es parti planter. J'l'éclate au pied, puis si la porte est blindée. Le sacro avance des kilos. Mérite son pédophilo. Bendo, t'avances crescendo. Sur la récido. Le congolais dans la place sans un autre. Charlie Delta. Nico, si j'ai pas de flingue, je m'en bats les couilles, je vais te chasser. J'te gay. Pourtant, tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de name. Petit, téléma. Oublie pas que tu me dois des sous, allez, téléma. Pourtant, tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de name. Petit, téléma. Oublie pas que avant studio à la cuisine. En cuisine, en cuisine. Mais chez Gay Endo qui sont rapides, on te lapide dans Hamid en Bali. Salope, salope, mets-toi à plat ventre. Donne-moi l'alias et les billets. Je t'ai pas oublié, tu croyais t'en tirer. Fils de pute, elle ramasse les douilles. Ramasse, ramasse. Tu m'aimes vraiment comme un frère ou comme un billet sans ça. On trouvera ton corps par terre, gisant. Dans une flaque de sang. M'encule pas, m'encule pas, m'encule pas. À trois passes de l'air rapport. Ramène le touché, retrouve les accords. Je suis hardcore comme une métaphore. Tu veux faire la guerre, mais t'es même pas fort. Niska à la végradure. Niska dure à la Véniska. J'ai le nom, je me fais sucer. Dans la salle de bain par Griselda. Charlie Delta, c'est la NASA. On contrôle la nos comme jamais. Braque les magasins. L'amour en ta veille. Bébé, c'est promis. Demain, j'achète des casades. J'achète des casades. Poto, tu me dois des sous. Do you remember? Tu me dois des sous, allez, tellement, tellement. Pourtant, tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de number. Petit, tellement, tellement. Mema, tellement, tellement. Oublie pas que tu me dois des sous, allez, tellement, tellement. Mamoudou Val, Hierophal, Sada, Samba, on est ensemble. Céline Boutarfort. Hotman Kwaled, Mehdi, on est ensemble. JLD, Fraka, Prison de Fresnes, 9-4. On n'oublie pas Biscotte, Mokonzi, Grizzly. C'est le Planète Rap avec Gradure et Niska sur ce morceau. C'est un petit mot sur Niska, tu veux le présenter aussi? Wow, excuse-moi, j'ai évité les balles. Voilà, Niska, c'est... En fait, je l'ai connu comment? Je l'ai connu sur Twitter. Parce que des fois je tape mon nom pour la promo et je retweet. Mmh. Et je voyais Gradure Niska, Gradure Niska, Gradure Niska. Et je dis c'est qui lui? Donc j'ai regardé. J'ai fait écouter à mes frères, ils m'ont dit c'est pas mal. Et j'ai regardé. Et j'ai commencé à kiffer le délire. Je me suis dit le mec il est bon. Tu vois, si le mec il est bon, il faut lui donner la force. Mmh. Tu vois. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit vas-y viens, j'ai envie de faire un son. Il m'a dit vas-y ok. T'es persuadé, on l'a fait, c'est une grosse tuerie. Et je kiffe. C'est un morceau qui s'appelle Remember. Hein. Voilà, c'est ouais. Pas un mec du Chez Gay Squad. Ouais. Mais c'est un frérot aussi. Je kiffe ce qu'il fait. Le mec, il est humble. Il fait son truc. Donc, moi, je suis content. Moi, je fais pousser Chez Gay Squad. Je fais pousser Nida, je fais pousser Kaïb, je fais pousser Brabant parce qu'ils ont du talent. Et lui aussi, il est pas Chez Gay Squad, mais il est fort. Il est presque Chez Gay Squad. Il a du talent, donc c'est un frérot. Donc, je lui donne la force au maximum aussi et j'espère qu'il va tout péter aussi en 2015. Il y a encore beaucoup de morceaux comme ça que t'as fait ou pas? Que t'as enregistré avec des gens qui t'envoient des messages sur les réseaux sociaux ou... Ouais, je. Non. Non, lui, c'était vraiment un coup de cœur. C'était vraiment un coup de cœur. Et après, ouais, il y a d'autres sons aussi que j'ai fait. J'ai fait un son avec Shy. J'ai fait il y a plein de sons encore qui arrivent avec plein de rappeurs. Plein de monde qui arrive. Voilà. Très bien, donc ce sera à suivre. Et puis là, en attendant, il y a aussi ton album qui sera dans les bacs. Voilà, le 23. T'as dévoilé d'ailleurs tracklist, hein, on peut dévoiler dessus. Voilà, une tracklist. Il y a Alonso qui est dessus, on avait voilà, dit. Voilà, avec Alonso qui va peut-être venir jeudi. Qui va peut-être venir jeudi. Il y a Niro aussi, que j'ai appelé aussi hier. Et il y a qui? Il y a Lacrim, à qui je fais un gros big up. Il y a Kaina Samet, il y a Chief Keef, il y a Migos, il y a du bon monde, on l'a fait à la quinri un peu. Et puis il y a toi surtout, parce que les gens veulent aussi découvrir son album. Voilà. Ça sort lundi. Il y a 11 solos et 6 feats. Ouais, ça doit être ça, 6 feats. Ouais, 17 morceaux en tout, ça arrive lundi, l'homme au Bob. Allez, on le balance ce titre inédit. J'ai l'impression que tous les gens demandent ce titre inédit, donc on demande vos réactions avec le hashtag Gradure sur Skyrock. Mm-hmm. C'est un morceau. C'est un bon morceau, moi j'aime bien. Ça change de ce que je fais d'habitude. C'est une bonne vibe. Extrait de l'homme au Bob. Alors tu disais tout à l'heure que t'avais écrit quand t'étais encore à l'armée, c'est ça le premier? Celui-là, ouais, j'avais écrit le premier couplet. C'est quand j'étais revenu, je me cachais dans la chambre à croco. Donc il y a une ambiance sur le premier couplet. Voilà, il y a une bonne ambiance. Il m'a dit ouais, c'est pas mal. Je disais ouais, tu trouves ça pas mal? Il m'a dit ouais. Et à la fin, je l'ai gardé et je l'ai fait en studio quelques semaines avant. Bon, avant la sortie, une semaine avant. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé le morceau pas mal, fort, en léger, balancez des messages avec le hashtag Gradure sur Skyrock, c'est parti. Extrait de l'homme au Bob, inédit. C'est dans Planète Rap tout de suite. Gradure, ça sort le 23 février, l'homme au Bob, exclut Planète Rap. Le 23, l'homme au Bob, grosse force, HXR au niveau Roubaix, Samir, Mirou, Youssef, Khalid, Yas, Baila, Mamoudou, Bilal Guerab, Najim et tous les frérots, Rafik, c'est pareil. Comme nous les meurs, mon joint est chargé, pop ton chargeur, ouais, pop ton chargeur. 3, 5, 7, la boule dans le rond. En léger, chez Guess Squad. Porte-balle, gilet, grenade, mitrailleur. Ouais, fuck les donneurs. J'ai mis du temps, mais bon, je suis revenu. Comme Jordan, tu es revenu. Dédicace à tous mes détenus. La gauche dans le caleçon. Cargaison, pas de contrefaçon. Que des putains de tessons. Plus gros que ta pute, plus gros que ta maison. Leur pose pas trop de questions. La traite négrière évolue. Augmente le revenu. Le nez plein de coques, ça pète les menus. Que de la drogue dans l'avenue. Bah ouais que ça défile que des gueules là. La chatte à Kesha. Le minou rasé pire que Tyrie. Ouais Marianne faut que ça glisse. La loi de la street j'apprends la leçon. L'argent comme raison. Parfumé par toutes les saisons. Coffee shop dans le checkson. Je te l'ai déjà dit j'suis dans la tourmente. Je rêve que des sommes gourmandes. Gros bolide que des berlines allemandes. Va pas palette aux commandes. J'ai 23 piges, un jeune de cité. J'arrive de m'en sortir. J'ai le cœur dans le tu vas te la sentir. Mais tu veux mieux de partir. Bah ouais 5-9 ma street c'est ghetto. Compare pas au rap game. NVR chouette c'est à Roubaix M. Ligue Tourcoing au carrière. J'suis qu'au début de ma carrière. 5-9 un max de prix planète rap. Comme nous les meurs. Mon joint est chargé. Fop ton chargeur. Ouais fop ton chargeur. 3-5-7 la boule dans le rover. Dans les cités Carter. Carbone gilet grenade mitrailleur. Ouais fuck les donneurs. J'fais peur au game comme Blue les meurs. Tout le monde comme Blue les meurs. Mon joint est chargé, fuck ton chargeur, ouais fuck ton chargeur. 3, 5, 7, ta boule dans le rover, dans les cités Carter. Porte-balle, gilet, grenade, mitrailleur. Ouais fuck les donneurs. Le rap game c'est pire qu'un gros film de boule. Que des hypocrites qui s'enculent. Gros gamos en location, que de la fuite qui véhicule. Allez écouter, c'est tous des gangsters. Sont la guerre dans le rap. Pour un peu de buzz, pire que des chats. Prennent tous pour Biggie and Pac. Plus mature que du haut de ma vingtaine. Ce que je dis est réel. Rappeur du peuple, écoutez dans tous les checks, toutes les ruelles. Des gros sur moi t'aurais dû miser. Enfoiré. Je te médise. Aujourd'hui ta mal tu regrettes. Comme ta première branlette. Bah ouais, histoire géo c'est la même. Colons nous traite de merde. Bientôt ils courront les chimpons voir à leur concert. Des traces de fouet sur le corps, aucune lame sur le visage. Le regard revolver des games si tu dévisages. Baltaz. J'fais peur aux games comme Blue les meules. Comme Blue les meules. Mon joint est chargé. Fuck ton chargeur. Ouais fuck ton chargeur. 3, 5, 7, la boule dans le rover. Dans les cités Carter. Porte-balle, gilet, grenade, mitrailleur. Ouais fuck les donneurs. J'fais peur aux games comme Blue les meules. Comme Blue les meules. Mon joint est chargé. Fuck ton chargeur. Force aux frères enfermés. 3, 5, 7, la boule dans le rover. Dans les cités Carter. Porte-balle, gilet, grenade, mitrailleur. Ouais fuck les donneurs. Exclu, l'homme au Bob, le 23 février. Doucement, doucement, on envoie les extraits doucement. Chez les squads. Blue G Murder, gros son, gros flow. Grosse force à tous ceux qui sont là au plein trap ce soir. Bloody Murder dans Planète Rap avec Gradure. C'est extrait de l'homme au Bob, pardon, qui sort le 23 février, voilà. Dans 6 jours maintenant. Mm-hmm. Je suis en train de mater les réactions. Pas mal, hein. Les gens regardent. Ah, d'être le 23, c'est du lourd. Ouais, nouvelle c'est extrait, jour de la rentrée. Énervé. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a pour certains, ils vont rentrer, ouais, c'est vrai. Ouais. Exact. C'est d'autres sont rentrée, en vacances, ouais. Mais ouais, il y en a d'autres déjà qui vont rentrer. Ouais. Bon, bah, allez vous donner un petit peu de courage avec la sortie de l'album L'homme au Bob. Alors, il est lourd, le son lourd. Mon frère te kiffe, ok, bah écoute. Ouais, grosse force à lui. Dinguerie, l'exclu de Gradure, 23 février, en léger, il y a plein de messages qui défilent. Ouais, ça fait plaisir. Avec le hashtag Gradure sur Skyrock, dans un instant, on fera tourner la roulette, inscription 41759. Juste avant de se quitter, Gradure, on finit avec un dernier titre. On finit avec un dernier titre. Un dernier morceau. Bon, on va mettre chez Guess Squad. Chez Guess Squad. J'aille un peu comme au premier Planète Rap. Alors, rappelle-nous qui y a dans le chez Guess Squad, c'est important aussi. Voilà. Pour les gens qui. Il y a Nida. Faites un max de bruit pour Nida. Il y a double bra. Le bra. Il y a Kaïps. Kaïps. Toujours avec sa machette. Il y a toi. Voilà, il y a moi aussi. Et c'est ça. Donc après, il y a toute l'équipe aussi. Il y a toute l'équipe. C'est une grosse famille. Et ça, le but, c'est quoi? C'est aussi de mettre en avant les artistes du Shaggy Squad. Oui, voilà. Avec quoi? Avec des mixtapes. Comme t'as travaillé toi, des voilà, mixtapes, des morceaux inédits. On va continuer à faire des sons. Là, l'album il est fini. Donc moi, je vais faire une petite pause, comme je t'avais dit. Mais je vais continuer à donner la force aux frères. Faire des sons Shaggy Squad. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est faire monter aussi mes potos. Tu vois? Moi, je suis content si je vais en showcase avec des mecs qui sont là, ils veulent prendre des photos avec Kaïbs, ils veulent prendre des photos avec Nida, ils disent lourd ton dernier son, c'est ça que je veux. Tu vois? C'est ça que je veux, comme donc ça. C'est, ouais, faire croquer un peu tout le monde, ton équipe, les gens qui sont avec toi, ouais, voilà. Et qui t'entourent. Voilà, c'est ça le plus important, c'est donner la force. J'essaie toujours de ramener du monde à mes showcases, même si c'est difficile des fois. On essaie de faire plaisir à tout le monde, même si c'est pas facile. C'est comme ça. Allez, dealer, c'est le Shaggy Squad. C'est le Shaggy Squad. Grosse force à Nida, à Kaïbs, à Brabra. Allez regarder sur ma page, Gradio G. Et on les salue parce qu'ils sont là aussi. Hein, voilà, une grosse force à eux. Grosse force à eux. Shaggy Squad, c'est parti. Enverzo. 5-9. Schweitzer. Arnold. En léger. Mathieu, pareil. Il était chaud, Didier. Il voulait pas lâcher la platine. If she ain't fucking, she got to go. Damos. Tell her Kevin. Don't waste my time. Police wanna stop me, search my clothes. Word. Tell him don't waste my time. Damos. If it ain't money, I ain't involved. No. Tell him don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Samba Bay, Abdul Bay, en léger, Abdoulaye, on est ensemble. Tell him don't waste my time. Mohamed Kouled, on est ensemble. Chacun on arrive de rouper pour baiser, yeah. Sur la route, tu peux en faire en détail. T'as 35 piges, tu auras pas dans les temps. Non, négro, c'est trop grave. C'est un soir que tu peux parler d'art. Je te rentrerai ma bite et calibre dans ton trou de balle. Bite et calibre dans ton trou de balle. Même tes piles, je sais qu'ils sont pas taille. Putain. Joint devant ma gauche, 9 mm à droite. Grosse tasse vers ma gauche, forcément gros y'a fait l'homme à droite. Tu es levé son cul pire qu'un quad. Forcément cette salope elle boite. Entrée avec mon famage la droite. Parfois qui vit dans son cul. Et c'est le feu ici putain de merde. Pas cru en nous. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. On va vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Toujours présent pour les niquer sur le beat. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Ils veulent tout si c'est notre but, on est des killers, on va tout plier, dégage. Les négros sont pliés, veulent des billets, donc redébuter des kilogrammes. Ouais, c'est quoi les bails bâtards? Ta face de la décale où je fais un drame. Bitch, tu ken ou t'es propre, tu suces ou tu croques, t'assumes ou t'as fort. Bitch, Qatar, tu suis ou t'es score, les corps tu michetonnes, salope t'es trop conne. Je suis agent, et ton café a des sous. Et tous ces fils de pute, je les pêche, porte mes patins, et j'en veux les rendre fous. Dis-leur que je suis plus chaud que la brève. C'est bâtard, on parlait, on pas cru en nous. Tout le monde. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Simple. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. On va tout brûler. C'est l'une terre, on est tout à fait, on est ensemble, mes frères. T'as mis de oui, oui. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le. J'en dis, on est ensemble. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Abdé, 227. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Tous les frères en prison. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad, dis-leur c'est le Shaggy Squad. Enchaîne ça. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. On casse la monnaie comme un rapi. J'ai caché la beuh dans le fut un taraki. Araki vient pas fumer sur mon paquet. Mais j'ai fait son prêt, demande un taqui. Vicieux, dissère la peuf, meuf en sachet. Faux chèque de banque, genre un gamos sous sa chaîne. Baveux et j'reste le parquet. C'est parfait, t'es pas prêt, regarde-nous de bouler en paquet. Karim, ouais, on est ensemble. Ouais, ouais, mon repêche me refais, j'ai la gole. Nasserès, tasse dans la piole. Rafat si tu me jettes un s'roule. Versatier, Versatier, Versatier. C'est pas notre faute, y'a la drogue dans des sachets. Hey, où elle est si par ici tout s'achète. Ils s'achètent des coups, c'est pété, faut que vous le sachiez. Je Shake it, shake it. C'est le Shake Squad. On est enfermé. Team Malik, on est ensemble. Malik la fraîche. Khalid, Yas. En léger. T'as voulu faire mal là, tu te retrouves. Zinc, chouette zère, on est ensemble. Shake Squad. Shake Squad. Dis-leur c'est le Shake Squad. Adem. Shake Squad. Rafi. Dis-leur c'est le Shake Squad. Billet. Shake Squad. Dis-leur c'est le Shake Squad. Shake Squad. Vas-y, va se fâcher là, il va se fâcher. Coup de machette à la tourne. Voilà le best d'équipe. Personne. J'traîne que dans des coiches loups. Où ça pue le shit et la beuh. Croc. Les négros ont les poches vides. Quand faut couper la voix en deux. Ils veulent faire les super-héros. Chez que je vais les mettre en jeu. J'suis pas dans le ciné. Plutôt dans le fera, ils vont halluciner. Parce que dans l'homme au plateau, mieux ce sera le kiné. Putain, j'suis rally. Direction Berry. J'pilote sans permis. A 90, j'suis à Savini. 5 tardi, big up à Gauchy. Fuck it, she got to go. Tell her don't waste my time. At least when it stop me, search my clothes. Word. Tell him don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. No. Tell him don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No, no, no, no. Yo, on est ensemble. Shiggy, Alex. Dealer, c'est le Shake Squad. À mon avis, si vous le faites, ça en concert la semaine prochaine, ça va être assez incroyable ce qui va se passer. Ça va être grave, ça va être grave. Dans le public et sur scène. Le ouais. Shake Squad, à l'instant, juste avant de se quitter, je crois qu'il y a Niako qui va balancer quelques infos. Oui. Il est là. Voilà. Quelques infos autour de Gradure. Ouais, bonsoir Fred. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Eh ben écoute, ouais, je crois que tu viens pour donner quelques infos. Ouais, des grandes infos. Des grandes infos autour de Gradure. Ouais, donc vendredi, il est à Marseille. Mmh. Ce vendredi, là, du côté de Marseille. Ouais, ce vendredi, il est à Marseille. Au Art Club. Samedi, il est au Forge des Eaux. À Forge des Eaux, ouais. Le 23, il y a l'album qui sort. Lundi. Et il y a rendez-vous au Foot Corner. De Lille. Ouais, pour donner des t-shirts à toutes les personnes qui ont acheté l'album. Et le 25, il est au Bataclan. C'est le rendez-vous à ne pas rater. On a eu un petit aperçu là à l'instant avec le Shake Squad. C'est juste un extrait. Eh ben merci, en tout cas, merci à vous tous. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette. J'oublie, le 28, il est à Saint-Etienne. 28 février, Saint-Etienne, aussi à pas louper. C'est parti, la roulette tourne. Skyrock t'offre le jeu The Order 1886, plus la PS4 qui va avec. Essia de Arne dans le 6-2, ça va bien, Essia? Voilà, j'ai du mal à t'entendre, Essia. A priori, ça a l'air d'aller. Ça va, tu m'entends? Ouais, ça va. Eh ben, écoute, bienvenue dans le Planète Rap, le 6-2, le 5-9, avec nous toute la semaine. Alors, en léger, grosse force à toi. Essia, tu es là? Oui, oui, oui. Eh ben, on va faire tourner. Allez, c'est parti. Dès que tu veux, tu dis stop. D'accord. La roulette tourne. Et après, il y a le match de foot, PSG de Chelsea. Un petit pronostic? Ouais. Je sens bien Chelsea gagner, moi. Oh là là. Oh là. Attends, là je suis. Avec toutes les blessures qu'ils ont, c'est dur. Essia, pour toi, par contre, c'est le jeu The Order 1886. C'est ça. Le jeu événement à pas louper en exclu, puisqu'il sort lundi. Il sort jeudi, pardon, le 20 février. Donc c'est pour toi, on t'envoie ça. Et peut-être aussi la PS4 demain matin chez Difool entre 6h et 9h. Je prends ta petite fiche et je la mets dans le Bob, l'homme au Bob. D'accord. Et dans le Bob de Difool, je mets les petites fiches. La tienne aussi. D'accord. Bonne chance et rencard demain, 6h, 9h. Merci. On te fait un bisou. Passe une bonne soirée. Merci, Gradure, pour cette soirée. Attention, on arrive chez toi ce soir, gros. Merci pour cette soirée, demain tu reviens? Ouais, je vais revenir. Ça sera 5 jours de la sortie. Voilà, je te mettrai encore un autre inédit. Et bah, grand plaisir, demain, loupez pas un autre inédit de l'homme au Bob. Tu vas ajouter quelque chose, je vois qu'il y a des infos qui arrivent. Ouais, voilà, juste la boutique Kenix, centre commercial au Paris Nord, à Aulnay-sous-Bois. Infoline, c'est la boutique Shake Squad. La boutique Shake Squad pour retrouver les fringues justement du Shake Squad. Voilà, tout à fait. Que Difool a fait gagner d'ailleurs, je sais pas si il en a fait gagner plein. Si. Plein. C'est lourd même. À bloc. J'aimerais récupérer un Bob pour le tirage au sort de la roulette. Demain matin, on fera le tirage au sort dans ton Bob, Gradure. C'est lourd. Ouais. Bon, ça va toute l'équipe? C'est le Bob. Bah ouais. J-5, ça va bien, Fred, et toi? Eh bah écoute, en pleine forme. Bon, encore une grosse soirée, avec des inédits, et demain soir, c'est pareil pour Gradure. Loupez pas, 20h, voilà. 21h. Grosse force à vous, Difool. On est là, t'inquiète. Toujours là. Yes. Karim. Et ouais. L'équipe est là. Shake Squad. Je sais. Shake Squad. Et du foot à suivre ce soir. Gradure à demain alors. Hein. Voilà, grosse force au PSG contre Chelsea. Ah, j'allais te demander. On va voir. Un pronostic pour ce soir. J'ai Eden Hazard, j'ai le poteau là-bas. Eden Hazard, c'est à Chelsea. Ah, plus voilà, côté Chelsea pour Gradure. J'ai Rabiot aussi, j'ai Rabiot, Serge Aurier, donc on est ensemble. Grosse force à vous, un gros match. Eh ben, on suit ça. Match pour les blessés. Ça a démarré, ouais, et il y a pas mal de blessés, ouais. Aurier, par exemple. Voilà. 6 minutes depuis le début du match. On suit ça en direct, évidemment, sur Skyrock. Si vous suivez le match, n'hésitez pas à nous laisser vos messages. Mm-hmm. Et on en reparle, évidemment, tout au long de la soirée. Gradure, demain soir, c'est 20h. Gradure sur Skyrock, hashtag sur Twitter. Eh ben, pas loupé. Force à Fred, on est ensemble. Bon, pour encourager les Parisiens, on va se passer un petit son de Marseille. Ah, la traîtrise absolue. Bravo. Bah ouais, normal. Je croyais que c'était marrant. Hein, on va se passer un petit son de Sopra là. Pour, d'ailleurs, on va saluer Sopra. Je crois qu'il est malade en plus. J'ai vu des photos de lui là sur les réseaux sociaux. Il a la grippe lui aussi. Ah, il est pas en forme. Ah, ben bon courage. Et on le salue, Sopra. Eh oui. Non, on a récupéré nos malades dans l'équipe. Ouais, ça y est, nous, on y est tous passés là déjà. Est-ce que tout le monde est là? Samy, oui. Marie, oui. Oui. Karim, oui. Romano, mais il est où? Je suis là. Saute. Mais je ne te vois pas. Donnez-moi mes jumelles. Romano, qui est là aussi. Momo, j'ai Momo, il court là. Il est en train de courir. Faire le match là. Et déjà, il a loupé les 10 premières minutes, il est en bad. Bon, il nous manque plus que Cédric, mais le poids lourd de l'équipe arrive d'ici quelques instants là, je pense. On se retrouve tout de suite avec Soprano et Fresh Prince et le match PSG Chelsea. Et vous tous en direct, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Hein. 01 53 40 30 20, vous avez bien profité de Gradure, vous avez bien raison. Bah, profitez de la radio libre jusqu'à minuit, c'est parti tout de suite. Ah, bah, voilà, accueilli comme il se doit par Romano. Très content de t'accueillir ce soir. Voilà le vilain. Quel enfoiré. Vilain aux cheveux gras. Non, c'est pas grave. Allez, une minute et on arrive. À toutes. Avec Sopra. Salut Fred. Ciao.